L'un des quartiers les plus chics de Los Angeles. Sur le toit de cet immeuble se prépare l'un des paris les plus fous de l'année. Ici, on est au paradis, voilà. Ici, ça va être le paradis. Il va y avoir plein de gonzesses habillées en blanc, des superbes nanas, fontaines de champagne, des anges qui vont se balader et tout. Ça va être génial. Un an que le riche homme d'affaires, Christian Audigier, attend l'événement. Et là, il y aura action, là. Tout ça, c'est rouge. Et tout ça, c'est noir. Des étoiles plein les yeux. Et là-bas, il y a le stage, là-bas. Dans moins d'une semaine, ici, il organise son anniversaire. Donc ta scène, elle est là, on est bien d'accord ? La scène est là, tes bars sont là. Une soirée dont il veut que l'on parle, voilà, sur trucs, toute la planète. Bar. Tout le long, et là, c'est bar. Parce que c'est mes 50 ans et que je voulais fêter mes 50 ans dignement. Ça veut dire vraiment rock'n'roll. Et je veux que ce soit à tout casser. Je veux péter la baraque. Et donc, il n'y a plus que 2 semaines, mais on va y arriver. Quoi. Déjà l'année dernière, son anniversaire avait fait sensation. Un concert privé de Johnny Hallyday dans la propriété de Christian Audigier. Cette année, ça va être 50 fois plus. J'ai 50 ans, ça sera 50 fois plus gros. Il faut que la scène soit aussi haute que le bar. Cette fois-ci, il prévoit du jamais vu. Là, je veux que tu ouvres. Non, là, je veux que tu ouvres pour que les flics et Johnny puissent passer. Et je veux que Johnny fende la foule, là, comme au Stade de France. Et que ça, il pousse les gens, il pousse les gens, il pousse les gens. Et il monte sur la scène et bam, je suis né dans la rue. Tu vois? Je veux que des trucs un peu comme ça, là. Michael Jackson, il faut arriver à un truc. Pends-moi-le sur un filin d'acier et qui roule jusqu'à la scène. Trouve-moi une idée, merde. Fais-moi-le arriver en Peter Pan, l'autre, sur pendu à un fil, là. Ça va être de la folie. De la folie pure et simple, comme je les aime. Ça va être génial. Alors, rêve d'un utopiste ou réalité? Réunis sous cette tente dans quelques jours, une pluie de stars. Johnny Hallyday, Britney Spears et, à peine croyable, Michael Jackson en personne. Mais ici, au pays des rêves, Christian Audigier a déjà accompli des miracles. Arrivé avec quelques dollars en poche il y a une dizaine d'années, c'est aujourd'hui l'un des rois de la mode outre-Atlantique. Il possède 10 marques de vêtements. Destin étonnant que celui de cet enfant d'Avignon, issu d'une famille modeste, élevé seul par sa mère. À 14 ans, il abandonne tout pour se lancer dans la mode. Et une obsession, réussir. Quelques décennies plus tard, c'est les États-Unis qui le sacrent roi de la mode. Aujourd'hui, dans sa propriété de Los Angeles, il affiche un standing de nabab. Le petit Avignonnais a fait fortune. 800 mètres carrés, designé par les meilleurs décorateurs, une villa de stars. Alors, pour son 50e anniversaire, il se lance dans un challenge qui étonne même sa propre famille. Hey Dylan, come with me, I have the video. Ses enfants, Dylan, 6 ans, Rocco Mick Jagger, 3 ans. Vous allez bien? Ben là, mais moi, je viens de recevoir le DVD, l'invitation. Ah, super. Je veux que vous voyez ça. Sa femme, Ira, une ancienne top modèle brésilienne. Oh, regarde ça, Cristal. Sa fille Crystal, 15 ans, qu'il a eu d'un précédent mariage. Dans leurs mains, le carton d'invitation très spécial que Christian a fait fabriquer. Attention, c'est les tickets d'invitation. Alors j'ai fait comme le... Tu vois, c'est comme les entrées de concert. Ouais. Là, ça te dit que tu viens à 6 heures. Regarde dessous, enlève. Ce que je voulais, c'est faire en fait un 50 birthday façon rockstar, quoi. Tu vois, comme dans les plus grands concerts. Donc j'ai fait le ticket de concert, j'ai fait le DVD et une partie de mon lifestyle, parce que je vis moi aussi comme une rockstar. Donc j'avais voulu que ce soit à la hauteur de ça, quoi. Et voici ce que les 1000 personnalités invitées à son anniversaire vont recevoir. Le français s'y met en scène comme dans un show à l'américaine. So guys, I'm inviting you to my birthday. It's gonna be the biggest party of the year. Ah, j'adore, c'est trop fort. Trop, trop fort. Et encore plus fort quand les stars participent, comme Britney Spears. Hello Christian, I wanted to wish you a happy 50th birthday. I hope you have a wonderful time and thank you for everything you've done for me. Je te souhaite un bon anniversaire, Christian. Tu sais que je t'aime. À bientôt. and Stallone. You're turning 50, but the point is, I know you're going to live to be 150, so you're still a baby. Keep punching. Ah, ça va être le top. Parce qu'après, plus de fêtes, je crois. 50 ans, c'est le... Comment on dit ça? Le... Ouais, anniversaire d'or, un truc comme ça, ouais. 50, tu imagines. Je dis toujours que c'est mon dernier anniversaire à tous mes potes. Donc, je suis sûr qu'ils sont tous là parce qu'ils disent que c'est le dernier. C'est le tour d'adieu, en fait, comme Johnny fait ses concerts. Mais il nous faut au moins célébrer, je sais pas, une grande fête chaque année, quoi. De l'autre côté des États-Unis, une curieuse demeure aux allures de château, dans la région des Hamptons, près de New York. Chiquita. Chiquita. Ici, un étrange propriétaire, Ivan Wilzig, 55 ans. Chiquita. Chiquita. Et ce matin, il est inquiet. Chiquita. Chiquita. Chiquita. Chiquita. Chiquita. Plus de traces de Chiquita. Chiquita. Chiquita. Il s'est encore échappé. C'est la plus rapide du monde. L'endroit est si grand. Elle peut être n'importe où. Elle peut s'être cachée dans une chambre depuis une heure. Chiquita, l'un des amours de sa vie. Ah, te voilà. Je t'ai cherché partout. Chiquita, c'est ma petite chienne. C'est une gentille fille. Je l'ai depuis 10 ans. Elle est très rare. C'est un chihuahua blanc. Et qui est Mina? Mina? Mina, c'est mon chihuahua japonais. Mina, sa compagne depuis 10 ans. Je l'appelle mon petit chiot, mais elle est plus que ça. C'est mon âme sœur. Au nom de l'amour pour ses 30 ans, il veut organiser une fête unique. Tu ne peux pas imaginer ce que je t'ai organisé pour ton anniversaire. Tu auras la plus belle fête de lapin de tous les temps. Le bal des lapins coquins. Ça va te rester toute la vie. Ça va être comme une grosse production de Hollywood. Je ne vais pas tout te dire maintenant, Mina. La petite lapine coquine. Moi, je suis toujours très excitée par ma fête d'anniversaire. Et cette fois-ci, en plus, ça va être une soirée lapin coquin. Je suis sûre que ça va être la plus belle soirée d'anniversaire de toute ma vie. Ce sera Mina au Pays des Merveilles, dans cette propriété de 18 hectares, tout droit sortie des rêves de son fiancé. Il a tout imaginé. La couleur or est partout, du filet de tennis au mobilier de jardin. Le décor de sa nouvelle fête à thème, une soirée lapin coquin. Il y aura des centaines de lapins partout dans la propriété, devant, derrière, dans le donjon, sur la piste de danse. Ils pourront même sauter dans la piscine s'ils le veulent. On aura des lapins nageurs, des lapins volants. Tu verras des oreilles de lapin partout. Et là, un feu qui va illuminer tout le château. Je veux qu'il y ait des lapins dans toute la propriété. Tu vois, comme ça, les invités lapins pourront apprécier le jardin, le pont, les cascades. Ce sera le paradis des lapins. Reste à trouver les lapins. À Los Angeles. Christian Audigier en est sûr. Les stars vont venir à son 50e anniversaire. Il compte surtout sur la présence de son ami Johnny Hallyday. Alors Christian, qu'est-ce que vous allez faire là? Ah ben là, je pars me détendre, j'ai besoin de prendre ma journée. L'anniversaire est dans 2 jours et je vais faire une balade avec mon pote Johnny. Il a reçu son hot rod aussi, donc on va se les présenter. Le hot rod, une voiture des années 30 remise au goût du jour. Le dernier joujou à la mode chez les beautiful people. Et pour Christian, un plaisir de plus à partager avec son ami Johnny. Ça arrache, hein? Toute ma vie m'a inspiré Johnny Hallyday. C'est un mec qui peut réunir 100 000 personnes dans un stade. Ils n'arrivent pas à faire des stades assez grands, en fait, pour lui. Il bouge les foules, il fait chavirer les foules. Il a ça dans la peau, quoi. Et il vit comme ça, il vit comme sur la scène, à 250 à l'heure. Et s'il peut trouver une machine qui va encore plus vite que 250, eh bien, il se la prend. Johnny Hallyday est arrivé le premier au rendez-vous. Lui aussi, avec son hot rod. Et une promesse, chantée à l'anniversaire de Christian. Ça, c'est ton endroit favori. Hein. On mange les meilleurs hot dogs du monde. Un burger aussi. Ouais. Burger, je me ferais bien. Là. Déjeuner sur le pouce. Alors, tu vois, les meilleurs hamburgers, c'est ça. Give me a double, je l'avais dit. Les meilleurs hot dogs, c'est cela. Red Baron. Cela. J'aime bien, ouais, c'est ici que je vais vous faire des hot dogs de temps en temps ou un hamburger. C'est les meilleurs de la ville. Ça, c'est les climats mexicains, formidable. Goûte ça. C'est bon, non? Johnny Hallyday, Christian Audigier, une passion commune pour le rêve américain. Le ciment de leur amitié, l'histoire de deux autodidactes partis de rien. J'ai une fin de loup, Johnny. Je suis né d'abord sans mon père. J'ai pas connu mon père. J'ai comme moi. Ouais, et Johnny, son histoire commence comme ça. Et moi, à l'époque où j'allais déjà à l'école, quand j'arrivais en entrée scolaire, on demandait qui était gitan dans l'école et qui était parent de divorcé. Donc je levais le doigt avec le gitan de service, en fait, et je me retrouvais au fond de la classe. Donc j'étais déjà puni d'office. Et la seule chose qui me donnait de l'espoir, c'était d'acheter « Salut les copains » à l'époque. Et j'écoutais Johnny Hallyday à tue-tête, quoi. Je faisais mon Johnny Hallyday dans ma chambre, tapissé de posters. Est-ce que tu avais une glace? Ouais, bien sûr. J'avais une glace aussi pour les mouvements. Mais Johnny m'a inspiré toute ma vie. Non, parce... je t'ai dit pourquoi. Parce que moi, j'avais une glace. Et, ah ouais. Et tu mimais. Et je mimais Louis Presley. Ça. Les jambes, tout ça. Et moi, je mimais Johnny Hallyday, quoi. tu te rends compte. Lui et moi, on a eu quelque part un peu le même destin. On a mené un petit peu de notre carrière, lui la sienne et moi la mienne, un petit peu... on était pauvres, hein, il fallait manger déjà, il fallait nourrir sa famille. Un petit peu comme des boxeurs qui vont sur le ring et il faut absolument gagner le match. Et ce qu'il a fait dans sa vie, moi ce que j'ai fait dans la mienne, c'était un peu la même démarche. Il faut... We have to win tonight. L'envie de gagner, quoi. Oui. Ça, en fait, parce que si on ne gagne pas, on ne mange pas. Ouais. Sacré Christian. Sacré Johnny. Pour Johnny, une seule parole, il chantera à l'anniversaire de son ami Christian. Dans le château des Hamptons. J'ai 450 oreilles de lapin en plus, au cas où les invités auraient oublié les leurs. Yvan Wilsig et sa compagne Mina. Colle-toi ça sur les fesses. Ils préparent leur fête lapin au nom de leur amour. Tu vois, les invités pourront choisir entre ces trois sortes d'oreilles. Mignon, non? Ouais, c'est à ça que je vais ressembler quand je mettrai les miennes. C'est un lapin chihuahua. Les 300 invités de la haute société américaine devront porter ça. Les gens vont sauter comme ça partout dans la maison. Tu vois, genre plein de lapins sautant dans tous les sens, à moitié nu, la nuit, à la lumière des torches, tu verras. Ce sera fantastique. On se souviendra de notre fête partout dans le monde. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens viendront du monde entier pour assister à la fête. Ils sont déjà au courant, hein. Ouais, tout le monde parle déjà de la fête. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Et tout le monde parlera aussi de super-héros, comme il s'est baptisé lui-même. L'homme de la paix dont le sigle est partout ici. En particulier sur les curieuses capes qu'il porte depuis quelques années. J'ai décidé il y a longtemps qu'on en avait assez des Superman, des Batman, des Spider-Man. Ce dont le monde aurait besoin, c'est d'un super-héros de la paix. Et si je suis aussi extrémiste, c'est parce que pendant 20 ans, j'ai été banquier, je portais un costume, j'allais au bureau tous les jours. Si j'ai choisi d'être LE super-héros de la paix, c'est parce que mon père est un rescapé d'Auschwitz. Et que 59 membres de ma famille ont été exterminés par les nazis durant l'Holocauste. Ziggy Wilzig, le père d'Ivan. Un magnat de la finance et une seule ambition pour son fils, qu'il devienne banquier. Diplômé d'histoire européenne, Ivan va travailler durant 25 ans dans la banque de son père. 25 ans de conflits entre le père et le fils. L'univers de la finance, Ivan déteste. À la mort de son père il y a 4 ans, il réalise son rêve. Quitter la banque, changer radicalement de look pour se lancer dans la musique. Fini les costumes cravates, cheveux teints et combinaisons futuristes. Et avec son héritage, il s'offre toutes les fantaisies. Comme ce château, une réplique du Moyen-Âge. Je voulais une maison unique. J'aime faire les choses différemment des autres. Je me suis inspiré de tous les châteaux partout dans le monde. Un vrai château a, comme il se doit, ses portes cachées, ses passages secrets. Ça a l'air d'une étagère normale. En fait, c'est la porte qui mène à ma chambre. Et dans son château, on va de surprise en étonnement. Que la fête commence! Et quoi d'autre? Je le fais aussi retentir quand quelqu'un ici a un orgasme. Et il retentit souvent. Pendant ce temps, dans son donjon, la princesse essaie des toilettes pour la fête. Si c'est pas complètement dingue, c'est pas une vraie fête pour nous. J'ai une cape de lapin. C'est une cape de lapin de la paix que j'ai faite. Il faudrait que je sois plus sexy que ça. C'est un peu court. Chiquita, qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes? Ça te plaît? À quel point t'aimes? Montre-moi à quel point. Moi, je pense qu'il m'aime comme je suis. En fait, il n'exige jamais de moi que je sois sexy, mais j'aime bien être sexy. Et il aime ça, donc tout est parfait. En fait, je crois qu'il est comme mon âme sœur. Moi, je pense que je l'aimerais pour toujours. C'est la fille la plus drôle que j'ai jamais eue. On est amis? Amants? C'est ma petite puce. Alors, c'est drôle de préparer une fête pour quelqu'un avec qui on s'entend si bien. C'est ma manière de lui dire merci. Argent, beauté, amour depuis 10 ans et une fête incroyable qui se prépare. Mieux que Roméo et Juliette. Sauf un détail. Demain, Ivan part quelques jours à Miami, officiellement pour voir sa mère qui vit là-bas. Hello, Nadia. Salut Nadia. Mais en fait, il a rendez-vous avec Nadia. Devine qui c'est? Une jeune femme. Devine qui vient à Miami. Oui, oui. Ok. On se voit dès que j'arrive. Bise, bye. C'était qui? Une petite amie. Oui, je passe la moitié de l'année à Miami. Donc j'ai une petite amie là-bas. J'en ai aussi à New York et à Los Angeles. Ça, c'est typiquement moi. Mon état d'esprit, faire l'amour, pas la guerre. Dès qu'il s'agit d'amour, c'est bon pour moi. It's fine by me. Dernière soirée en amoureux. Qu'est-ce que tu penses du coucher de soleil? Demain, il sera à Miami dans les bras d'une autre femme. New York, Manhattan. Au pied des tours, un locataire plutôt inattendu vient de faire son entrée dans la marina de Liberty Street. Et il est de taille. Le Lady Joy, 50 mètres, l'un des plus grands yachts du monde. Ce matin, sa riche propriétaire va en prendre possession. Alors les 12 membres d'équipage sont au garde à vous. Madame Rich sort de sa voiture. Elle est sur Liberty Street. Merci. Denise Rich, l'une des femmes les plus fortunées d'Amérique. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est super, vous êtes géniaux. Bon travail, capitaine. Je ne suis pas tout seul, l'équipage y est pour beaucoup. Merci, vraiment, c'est du beau travail. C'est la première fois que je visite le yacht une fois les travaux terminés. C'est magnifique, j'en ai le souffle coupé. 2 ans qu'elle attendait la livraison de son bateau. Alors forcément, elle est aux anges. C'est incroyable. Vous savez qu'on va pouvoir placer 50 personnes assises ici. 50 personnes, oui. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a aucun risque pour les enfants ? Non, il n'y a aucun risque. Oh, le jacuzzi ! C'est fabuleux d'avoir un jacuzzi face à Wall Street. C'est le centre de l'univers. C'est quand même incroyable d'avoir un bateau amarré ici. Regardez-moi ce barbecue. Je n'aurais pas rêvé mieux. Regardez ça. Et là, vous avez un ascenseur. Wow. Voici le salon principal. Il est superbe. Oh mon Dieu, ce qu'il est beau. Je suis tellement contente. Je suis si émue que j'en pleurerais presque. C'est tellement fantastique. Je n'en reviens pas que ce soit si beau. Maintenant, je vais vous montrer ma chambre. Trop d'émotions, mauvaise direction. Je suis tellement bouleversée que je ne sais plus où je vais. Voilà ma chambre. Oh, c'est tellement beau. J'adore. J'ai un plafonnier qui peut changer de couleur. De la soie pour les draps et du marbre pour les salles de bain. Il y en a 8, une par cabine. 400 mètres carrés de décors somptueux pour 50 millions de dollars. Je suis comblée. Capitaine, c'est splendide. Vous êtes satisfaite, madame ? Oh oui, merci. Bien. Aucun problème ? Non, tout est parfait. Parfait à un détail près. Dans la cabine de pilotage. Et elle a exigé que le capitaine intervienne. On a changé le cuir ici et sur le tableau de bord. Elle a décidé de changer le cuir des sièges, celui des dossiers et de la banquette. Elle est extrêmement perfectionniste. Coût 30 000 dollars. Une broutille pour Denise. Selon la rumeur, en 1995, elle aurait touché 800 millions de dollars de son divorce avec Mark Rich, célèbre homme d'affaires. Cette femme du monde habituée à l'univers du business change alors de vie. Elle se découvre une passion pour les paillettes et la jet set. Aux États-Unis, elle est très célèbre pour les soirées fastueuses et les galas de charité qu'elle organise. Les plus grandes personnalités y assistent. La prochaine aura lieu ce soir avec tout le Gotha new-yorkais, pour l'inauguration du navire. Je suis tellement impatiente. Ça va être incroyable. Tout le monde va adorer. Oh mon Dieu, vous vous sentez prêt, capitaine ? Parfaitement prêt. Une fête pas seulement pour le plaisir, la milliardaire a un triste secret. À Los Angeles, Christian Audigier pavoise. Son anniversaire s'annonce féerique. Je ne sais pas si je vis dans un rêve, parce que c'est ma réalité à moi. Mais bien sûr que ça fait rêver, quoi. Mais s'il jubile, c'est aussi parce qu'il prépare une surprise. Alors direction ses bureaux pour un coup de téléphone particulier. Lui, l'ancien avignonnais d'origine modeste, devenu millionnaire, a décidé d'inviter à son anniversaire la bande de copains qu'il fréquentait dans le sud de la France avant de devenir riche. Allô ? Allô ? À Avignon, ceux qui l'ont connu durant son ancienne vie se sont réunis dans un bar pour ce coup de téléphone. Allô, tu nous entends là ? Jean-Yves, ça marche ? Et toi ? Ouais, où est-ce que vous êtes ? On vient d'arriver tous au bain-marie. Ah, génial, putain, j'adore cet endroit. Et raconte alors qu'il y a... Tout le monde t'entend en plus, tout le monde t'entend. Ah ouais, ça va les gars ? Ouais ! Waouh ! Mais combien de personnes vous êtes là-bas ? On est une vingtaine. Waouh, et qui a les gens que tu aimes. Monsieur Catan, il y a Monsieur Daudel à côté Jean de vous. Jean Daudel, je t'aime. Oh, oui. Jean Daudel de Montpellier, il est là ou pas? Tu peux venir ou pas? Ah ouais, on va mettre le feu là. Ouais, il a un passeport, mais de 1914. 14. Oh putain, ça me fait plaisir, les gars. Vous allez passer une bonne soirée, je vous attends tous à mon anniversaire. Eh, vous allez avoir une super fête, les gars. Je vous réserve plein de surprises. Allez, tout le monde sera guide d'arriver. Ouais, oh, et dis-leur que Johnny va monter sur la scène, hein. Et Johnny Hallyday sur la scène à la maison, il a dit. Vu qu'il pète le champagne. Bon, on se à la semaine arriver. Prochaine, tous allez. Ensemble. À la semaine prochaine. Ouais. Ciao, les gars. C'est important pour vous que vos anciens amis d'Avignon soient là le jour J. Ben que mes anciens amis d'Avignon, mais c'est pas mes anciens amis, ce sont mes amis. Donc mes amis, c'est pour la vie, et pour mes 50 ans, ça en fait partie. Ah, je suis excité, je veux pas y penser parce que c'est trop fort de les voir arriver. Donc il y a, je crois, déjà encore deux. Vous savez, quand on est gamin, il y a encore deux jours et deux nuits à attendre. Donc il y a, en fait, c'est interminable. Donc on va essayer de pas y penser, de faire autre chose, et on va les voir arriver, ça va être trop top. Et à Avignon, à la veille du grand départ des copains pour Los Angeles, c'est la joie bien sûr, mais aussi l'affolement. C'est une catastrophe. Bon, voilà, une catastrophe. Je sais pas quoi mettre, je suis angoissée. Alors, quelle valise d'abord tu prends ? Brigitte et son mari Alain, 65 ans, okay, antiquaire, l'un des plus vieux amis de Christian. Un peu son grand frère de cœur durant des années, lorsque Christian n'avait pas d'argent. Alors aujourd'hui, pour aller voir le camarade millionnaire à Hollywood... Ah, c'est le bordel, hein. Problème. C'est le grand bordel. Alors, fais voir un peu. Tout ça est à repasser. Les mocassins bleus pour le bleu, c'est une prise de tête. Et là, c'est magnifique. C'est une pièce de collection. Et c'est vrai que je suis excité parce que c'est... il me fait faire des choses comme avant. Il me remet dans le truc alors que je m'étais calmé depuis quelques années dans ma campagne. Là. Ah oui, j'ai ça, que j'adore. Que j'adore, qui est un pantalon thaïlandais. Ouais. Une angoisse de ne pas être à la hauteur, quoi, voilà. C'est la première fois qu'on nous fait un truc pareil, c'est énorme, hein, voilà. Faut pas être ringard, quoi. Faut pas vous habiller ringard. Là. Non, faut pas être ringard. Il faut surtout pas être ringard. Ce qui m'impressionnerait, c'est d'être à table avec une star. Il m'a dit, je pense que tu verras Michael Jackson. Ça, pour moi, c'est unbelievable. Bon, c'est... I can't believe. Voilà. Alors, il faudra que je vois. Mais moi, j'irai lui serrer la main. Hein. Je ne suis pas gêné, moi. Hein. S'il y est, j'irai le voir et me présenter. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Je vais prendre le tableau. Quelques cadeaux pour son ami de toujours, qu'il pourra lui offrir demain. Voilà. Miami, au lieu de la jet set. Ici, c'est tous les jours beau temps. Et pour certains, tous les jours la fête. Yvan Wilsig, alias super-héros, vient d'arriver. Et tout de suite, Nikki Beach, la plage la plus branchée du coin. Une semaine en célibataire. Mina, sa compagne, est restée dans son château près de New York et il compte bien en profiter. T'es venu avec qui ? Avec qui ? Avec mes copines. Appelle-moi, car je suis complètement libre. Je suis célibataire. On peut s'éclater ensemble. Tu m'appelles, hein? Ok, je suis là-bas. Je t'appelle. Tu viens nous voir? Pas de souci. Si Yvan ne va pas plus loin, c'est que ce soir, il a un autre rendez-vous galant. Au 38e étage de cette tour, dans son pied-à-terre de Floride. Le soir est tombé. C'est maintenant au tour de super-héros d'entrer en scène. Jaune Canary. Chiquita, sois une gentille fille. Hein. Chiquita, on a de la compagnie. Yvan a endossé sa grande tenue, car ce soir, l'une de ses maîtresses arrive d'Europe. Et pour séduire, toujours la même technique. Parfum d'ambiance et lumière tamisée. Elle vient exprès de Barcelone. Elle a bien droit à un peu d'ambiance. La jeune femme attendue s'appelle Nadia. 25 ans, d'origine française, elle habite en Espagne. Mina, sa fiancée, ne le sait pas encore, mais c'est une concurrente sérieuse. Et pendant ce temps-là, elle l'attend bien sagement près de New York. Mina, je l'appelle ma favorite. Elle sait que c'est ma préférée. Yvan ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, préférant une vie de libertin. Vous savez, même à 5 ans, j'avais déjà 2 ou 3 petites copines à l'école. Même à l'époque, je n'en avais pas qu'une. J'ai un appétit insatiable pour les belles créatures. J'ai plus de petites copines que n'importe quel homme que vous connaissez. Son rôle favori, séducteur, super-héros de l'amour. Oui, apparemment, les femmes adorent les super-héros. Bye. Mais pour la soirée, il manque à super-héros un accessoire, le champagne. Et son grand plaisir, sortir habillé en super-héros pour faire ses courses. Bonjour, ça va ? Gêne, étonnement, et même dans son immeuble, où on le connaît, toujours la même surprise. Regardez-moi ça. J'adore votre cape. Merci. Avec le signe de paix, c'est génial. Merci. On a besoin de plus de gens comme vous par ici. C'est pour ça que je le fais. Après vous. Direction l'épicerie du coin. Ça. Bonjour, ça va ? Visiblement, même effet chez l'épicière. Pourtant, à Miami, les excentriques, ils en ont l'habitude. Les gens, ils comprennent pas ce qui se passe. Parfois, ils me regardent, ils se disent que les Martiens ont débarqué. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Merci. Merci beaucoup. Son ami vient d'atterrir à Miami. Peut-être qu'on pourrait prendre un bain moussant. T'oublieras ton décalage horaire. Une demi-heure plus tard. Ah, enfin. Comment vas-tu ? Nadia, tout sourire. How are you? 15 heures d'avion, hein ? As-tu déjà fait 15 heures de voyage pour venir voir un homme ? Non. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Nadia, 1 an qu'ils ne se sont pas vus et ils vont passer quelques jours ensemble. Tu te souviens du bébé ? Regarde-la, elle devient complètement folle. Elle est trop contente de te voir. Impossible d'échapper à la chienne Chiquita pour passer un week-end avec Yvan. Vous savez que je portais des câbles de temps en temps ? Yes, of course I know, but it's the first time that I see you live. That I know. Regardez-moi cette robe. Vous venez spécialement de Barcelone pour voir Yvan ? Oui, il le vaut bien. C'est-à-dire ? Ça veut dire que c'est un homme qui sait très bien traiter les femmes, qui est très original, très authentique, qui aime les femmes. Alors moi, c'est frais. Ce sont des verres un peu particuliers pour le champagne. Bon, alors, la prochaine fois, c'est moi qui viendrai te voir à Barcelone. Je voudrais te montrer la vue. Ça, c'est une île super privilégiée qui s'appelle Fisher Island. Et tu vois toutes ces lumières scintillantes là-bas ? C'est le port de Miami. Un panorama de rêve en compagnie d'un super-héros. La nuit sera princière. Au cœur de New York, à l'orée de Central Park, l'un des plus beaux appartements de Manhattan. Une vue à couper le souffle. Un triplex de 500 mètres carrés. Nous sommes chez Denise Rich, qui ce soir va inaugurer son yacht. Une immense richesse qui ne parvient pas à guérir sa terrible blessure. le décès il y a 12 ans de sa fille cadette Gabriella, disparue à l'âge de 26 ans. C'est elle. Voici ma fille Gabriella à l'âge de 20 ans. Elle était actrice et mannequin aussi. Elle avait été choisie pour être l'égérie d'une grande marque de cosmétiques. À l'âge de 23 ans, on lui a découvert un cancer. Elle a été traitée pendant 3 ans, mais finalement, Gabriella a été emportée par une leucémie. Ça a complètement bouleversé ma vie. Bien sûr, j'aime toutes mes filles, mais je donnerais tout au monde pour la ramener. Souvent, je lui parle, je communique avec elle. C'est grâce à ça que je peux continuer à vivre sans être constamment malheureuse. Bien sûr, j'ai des moments de faiblesse et je pleure, et je me dis que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Dans ces moments-là, je regarde les photos où elle sourit, et ça me rend plus forte. J'ai compris que la meilleure façon d'honorer sa mémoire était de réaliser quelque chose de vraiment important pour elle. Alors, pour honorer la mémoire de sa fille, Denise a créé une fondation de lutte contre le cancer et un bal de charité. Elle a déjà convaincu Bill Clinton et Mikhail Gorbatchev d'en être les parrains. Et chaque jour, elle cherche de nouveaux mécènes pour faire des donations. C'est désormais le combat de sa vie. Ma priorité aujourd'hui, c'est d'organiser l'anniversaire de la Fondation dans un grand hôtel à New York. J'espère que ce sera un grand succès et que nous collecterons beaucoup de fonds. Nous visons les 3 millions de dollars. Je sais que c'est ce que Gabriella aurait voulu. Et pour attirer les donateurs et vendre des places pour son bal de charité, Denise a eu une idée. Se servir de son yacht pour appâter les riches de ce monde. Le but de l'inauguration de ce soir, faire la promotion de son bal de charité. Bonjour. Qui aura lieu en octobre. Bonjour, comment allez-vous? Pour l'aider, elle a convoqué ses amis à déjeuner. Une vingtaine de ladies, tout aussi riches que Denise. Malgré les apparences, ces dames sont là pour travailler. Le but de ce déjeuner est d'organiser l'anniversaire de la Fondation. C'est un déjeuner de travail. Des épouses d'hommes d'affaires et de riches héritières, Denise compte sur leur pouvoir de persuasion pour récolter des fonds. À votre avis, pourquoi n'y a-t-il que des femmes à cette réunion et aucun homme? Parce que les femmes font bouger les choses. Les hommes parlent, les femmes agissent. Ce sont toujours les femmes qui font avancer les choses, dans la vie en général et au sein de leur famille. Mais ne vous inquiétez pas, les hommes mettront la main à la poche. Mes chers amis, je voudrais porter un toast. Merci infiniment à vous toutes pour l'aide que vous m'apportez. Malgré son apparente décontraction, Denise Rich est tendue. Merci du fond du cœur. Dans quelques heures, sur son yacht, elle va tenter, en mémoire de sa fille, Gabriella, de récolter de l'argent auprès de 200 VIP. Los Angeles, chez Christian Audigier, 6 heures du matin. Le maître de maison et sa femme sont déjà debout. We have orange juice. Orange juice? Need to be in the glass already, the orange juice. Branle-bas de combat et petit déjeuner royal. Le cadeau de bienvenue de Christian à ses vieux potes d'Avignon. Ça, c'est bien. Il y a tout ce qu'on aime, il y a tout ce qu'ils aiment, il y a tout ce qu'il faut. Ils seront là dans quelques minutes. C'est très important, je ne les ai pas vus depuis des années, en fait. J'étais trop excité, j'ai dormi très peu de temps. Je sais qu'ils sont tous en décalage horaire, je sais tous qu'ils ont envie de me voir, autant que ce que j'ai envie de les voir. Et comme eux, il est nerveux. Ouais, il y a beaucoup d'appréhension. Je le traque, en fait. Je le traque, ouais. Même trac, au même moment, à quelques kilomètres de là. Ils viennent d'arriver d'Avignon. Il y a Alain, le brocanteur, et sa femme Brigitte. Mais aussi Charles et son frère Larry, des proches de Christian. Première surprise. La limousine, elle est juste devant, là. Donc, apparemment, c'est pour nous, hein. Donc c'est la petite surprise de mon matin. Ah oui, la limousine, ouais. Ça devrait aller quand même. Combien on est là? 2, 4, 6, ouais. On en mettra les petits dans le coffre et puis voilà, ça ira. Là, hé, il faut me regarder là quand même. Première photo souvenir et déjà une autre surprise. Ok. Est-ce que vous prenez en photo, là? Là, Christian. La photo publicitaire de Christian. Ça. Attends, ça, il faut le voir pour le croire, ça. Ah, c'est fabuleux, ça. Attends, tu te rends compte? Depuis Avignon, c'est au bout du monde, et aujourd'hui, il est là, là. C'est fabuleux, ça. Hein? Bon, est-ce que le champagne est au frais? Chauffeur, limousine pour les accueillir, Christian a bien fait les choses. C'est aujourd'hui le standing de leur vieille amie. Ah ouais, c'est pas la photo de la 4L. Moi j'ai la 4L, mais elle est remontée. Elle a les tunings. Non, c'est pas vrai. On est vraiment dépaysés. Donc rien que les boulevards, les quartiers, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Comme dans les films, une maison ici, enfin pour vivre ici, à mon avis, déjà, il faut. Ouais. Les maisons, elles coûtent très cher. Et Alain, ça vous touche de revoir Christian ? Oui, énormément, énormément, c'est vrai. Pas pour. Moi, c'est vraiment, j'ai fait l'effort pour lui, hein, parce que. L'avion, il faut se le faire. Hein. Ah ouais, il a pas la tête. Il est anniversaire, il vous en a parlé de... Oui, ouais, bah, plus ou moins. Il a dit que quand même, qu'il y aurait de grosses stars, donc à mon avis, ça va être une grosse soirée. Ben, il m'a annoncé des noms, on verra. Ouais, on va parler de Stallone. Peut-être Prince qui passerait. Ouais. Attends, moi, il m'a parlé. Plus pire, moi, il m'a dit Michael Jackson. Ah. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Arrivé chez Christian. Jusqu'ici, il n'avait vu sa maison qu'en photo dans les magazines People. Il va être trop grand, hein. C'est magnifique. Extraordinaire. Un bon cœur. Il y a Christian qui vous attend, vous me suivez ? Accueil VIP. Et tout ça est bien difficile à croire. Oh là là. Charles et Larry, les fils d'un ami de Christian aujourd'hui disparu. Il est trop beau, Christian. Vous allez bien ? Ça fait plaisir. Ah, bah, attends, nous. Merci Christian en tout ça cas. Ça va bien ? Super. Et Alain ? Voilà. Il change pas. Ça va ? Alain ? Après tant d'années, difficile de ne pas être ému. Tu vas bien, mais tu changes pas. Hein ? Tu es magnifique. Ouais. Ben ouais. Oh, mon chéri, combien de temps ? Alors ? T'es beau ? Merci, c'est trop bon les gars que vous soyez là. Quand ? Ça va ? Bien sûr. Vous avez l'air ému, Alain. Hein ? Vous avez l'air super ému. Ouais, ça fait drôle, drôle. Je l'observe, je le regarde. Et je ne connaissais pas sa femme non plus. Sa fille, je l'ai vue toute petite parce que je l'ai connue à. Je crois que je l'ai connue à Saint-Rémy quand il était à Saint-Rémy. Joyeux anniversaire. De le voir là, dans cet environnement, tout ça, c'est fou. Hein. Mais c'est un grand sentimental, hein. Malgré tout, malgré ce qui paraît, c'est un grand, grand sentimental. Merci à tous, merci à tous. Tout de suite, ambiance chaleureuse, comme par le passé. Je suis content que vous soyez là, on va se voir, hein. on va parler. Je les ai pas vus depuis très longtemps, bien sûr, je suis très ému de les inviter. J'espère leur faire passer un moment mémorable, parce qu'on est 50 ans et j'ai envie de faire la fête avec eux. L'amitié, c'est les gens qui te remettent sur le droit chemin, qui sont prêts à te repêcher si tu fais des erreurs et à te donner... tes défauts aussi, te dire ça il faut pas faire ou ça tu peux mieux faire. Voilà pourquoi l'amitié est importante. Les gars, vous servez, bon appétit à tous, bienvenue à Los Angeles, la cité des anges. Et on va s'éclater durant 3 jours. La vie c'est comme ça. Hein Alain ? Et c'est l'heure des souvenirs, de la nostalgie aussi. Des photos de 30 ans. Une autre époque, une autre vie avec leur ami Christian. Ça rappelle le moment où... L'époque, quoi. Le passé. Non, c'est super, quoi. Oh, Patrick. Il fait beau, on est tous réunis. La journée commence bien. La fête anniversaire de Christian, c'est pour demain. Miami. Au domicile de Yvon Wilzig, alias super-héros. Oh. Aujourd'hui, pas de cap et plus de Nadia, sa jeune conquête est rentrée en Europe. Une journée entièrement consacrée à Chiquita. Ah, on va faire un défilé. On va faire un défilé de mode. Tous les maîtres avec leurs chiens en faveur de la SPA. Ainsi, les autres chiens seront adoptés au lieu d'être assassinés. Ce soir, Chiquita fait son entrée dans le grand monde. Un défilé de mode pour chiens de luxe. Papa et Chiquita vont porter des capes assorties. La seule question, c'est de quelle couleur sera la cape? Ici, assis. Chiquita doit être au top. Montre-moi tes ongles. Mais un détail coince. Ah, ils sont trop longs. Tu veux devenir un super top modèle? Je veux que tu te sentes à l'aise en défilant sur le podium. Direction le meilleur salon de toilettage de Miami. La soirée sera très jet-set. Une centaine de chiens et leurs riches propriétaires. Yvan veut absolument que Chiquita fasse sensation. Elle est très belle. Je sais qu'en arrivant à la fête, elle va faire sensation. Et je peux vous garantir qu'elle sera la seule à porter une cape. Un salon de beauté très particulier, uniquement réservé aux chiens de petite taille. Pas plus de 25 cm de haut. Tu veux un petit copain? Petit chien, mais grosse dépense. Quelle couleur vous avez? Parce que c'est une chienne très bling-bling. On trouve ici une pédicure et même des vernis à ongles pour chiens. Celui-là, ça va le faire. Hein, Chiquita? T'inquiète pas. Ça va aller avec la cape. Je n'aurais pas pris un vernis qui n'irait pas avec ta cape. Tu seras un vrai top modèle ce soir. Et comme pour les humains, des cabines privées. Stay. That's a good baby, you see? La manucure canine, la dernière mode à Miami. Même procédé que pour les humains, à un détail près. On doit utiliser un vernis spécial pour chiens. Parce que si on utilise du vernis pour femmes, ça leur abîme l'estomac s'ils le lèchent. Là, le chien, là. Non, ne me mords pas. Je te rends belle, alors ne me mords pas. Une heure plus tard. Alors, comment a été la patiente? Elle a survécu? Qu'est-ce que ça donne? Verdict. Ah, c'est génial, c'est brillant. Tu n'as jamais eu cette couleur avant. Tu aimes? Quoi qu'il en soit, le maître est satisfait. Et de toute manière, c'est lui qui paye $200. Chiquita est prête à affronter la concurrence. Début de soirée. Chiquita, c'est l'heure du spectacle. C'est l'heure de s'habiller. Pédicure pour le chien, cape pour son maître. Comme à chaque fois qu'il se rend à un événement important. Reste à choisir laquelle, dans son dressing, des dizaines. Cette cape, c'est Stilipi. Il y en a avec tous les motifs. Il a entièrement refait sa garde-robe. J'ai la plus belle collection de costumes de banquier que je ne porterai plus jamais. Je vais y aller avec celle-là. Des tenues qui n'auraient pas plu à son père. J'aurais voulu avoir son soutien. Mais il pensait qu'un véritable travail, ça ne pouvait être que docteur, avocat ou homme d'affaires. Il n'a jamais vraiment compris ce qui me rendait vraiment heureux. Et il ne me regardait pas en tant qu'individu à part entière. Il ne réalisait pas qu'on peut suivre les traces de son père, mais qu'on doit toujours développer sa propre personnalité. Alors ce soir, sigle en métal, cape de soie, l'une de ses tenues les plus chics. Ok Chiquita, tu es prête? Laquelle à ton avis? Même tenue pour son chien et même modèle. Reste à choisir la couleur. La rose ou la noire? Dans la noire, tu paraîtras plus mince. Mais avec la rose, tu seras plus féminine. Réponds. Non, n'embrasse pas papa. Donne-moi une réponse. Allez, on doit y aller, on est en retard. Ce sera la noire comme son maître. C'est mon âme sœur. Parce que les filles vont et viennent, mais les chiens restent. T'es excité? Tu vas venir? Tu n'es pas un chien normal, souviens-t'en. Tu n'es pas banal. Tu as des super pouvoirs comme papa. Viens, on y va. Mais avant de partir, une visite à sa voisine de palier. Maman! Finalement, tu as mis la noire. Quoi? Tu trouves que l'autre m'allait mieux? Oui, oui, mais celle-ci est super aussi. Ouais, la cape noire est super. Hey, bonjour, Chiquita. Alors, Chiquita, tu vas à une fête? Et depuis qu'il porte des capes, maman est très fière de son fils. Mon fils est superbe. C'est-à-dire? Je trouve qu'il est beau, qu'il est unique et qu'il est différent. Je suis très fière de lui. Je l'ai toujours encouragé à trouver sa place et à être en harmonie avec lui-même. Il n'était pas très épanoui dans le milieu de la banque. Maintenant, il est beaucoup plus heureux. Vous le ressentez? Oui, oui, il est beaucoup plus décontracté. C'est la liberté, parce que son père était quelqu'un de très autoritaire et voulait que les choses ne se fassent qu'à sa manière. Donc maintenant, il vit comme il veut et c'est bien, c'est ce qui devait arriver. Amuse-toi bien. Merci, à plus tard. Je t'aime. Moi aussi. Pour la soirée de Chiquita, sa chienne... Comment vas-tu? Yvan a vu grand. Une limousine avec chauffeur, louée pour l'occasion. La panoplie parfaite pour ne pas passer inaperçu dans les mondanités de Miami. Manque un accessoire. Une jolie blonde. Pas de problème, Yvan a tout prévu. Ah, t'as choisi exactement la bonne tenue. Tu n'aurais pas pu mieux faire. Pour ça, il y a Carla, 25 ans. Comment vas-tu? Salut. Là, t'es superbe. Merci. Tu es terrible. Mieux que ça. Une amie brésilienne. Comme les autres, elle a succombé au style d'Yvan. Il fait tout le temps la fête, c'est tellement marrant d'être avec lui. Il est très cool, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous aimez? Je l'aime bien parce qu'il est différent. La soirée de gala peut commencer. Que du beau monde et des chiens. Ils sont richissimes, mais ce soir, les stars, ce sont eux. Une sorte de concours d'élégance pour chiens de milliardaires. Et bien sûr, il y a la presse. Ce soir, c'est l'événement de Miami. Face aux photographes... Tiens-moi, Chiquita, une seconde. Un tapis rouge pour une entrée de star. Mais problème. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh mon Dieu, elle fait une crotte. Ouais, elle est en train de faire ses besoins. J'ai jamais vu ça avant. Je l'amène à une fête et elle chie. C'est incroyable. Je dois nettoyer sa crotte. Après seulement, je serai prêt pour la photo. Qui a du papier toilette? Yvan, elle n'est pas habituée au tapis rouge? Absolument. Dès qu'elle est arrivée, elle a cru que c'était des toilettes très chic et non une soirée. Ok, on y va. Oh, comment elle s'appelle? Chiquita, comme la banane. Chiquita, exactement comme le chihuahua de Madonna. C'est Chiquita. Comme tu es mignonne. She's very cute. Elle est mignonne, mais elle préfère les hommes. All right, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Top départ pour le défilé. Carla est seule au premier rang. Dans les coulisses, Yvan ne peut pas résister. Vous êtes française? Je suis d'origine française, mais j'habite aux États-Unis. Je n'entends pas l'accent français, vraiment pas. L'occasion est trop belle. En prime, Chiquita joue les entremetteuses. Elle est le meilleur aimant à femme de la planète. C'est encore mieux qu'un cabriolet ou qu'un yacht. Et son discours est bien rodé. C'est quoi son nom? Elle, c'est une fille, Chiquita. Chiquita? Hé, hey, une amie, tu pourrais être amie avec elle, non? Je ne m'inquiète jamais qu'une fille me largue. Parce qu'elles peuvent me quitter moi, mais elles ne peuvent jamais quitter le chien. C'est comme une police d'assurance. Le défilé se poursuit. Après les deux bichons blancs, c'est au tour d'Yvan d'entrer en scène. Yvan, 55 ans. Et là aussi, avec son chien, pour se faire remarquer, il a un numéro bien rodé. Yvan Wilzig, l'héritier multimillionnaire, ancien banquier qui s'est reconverti. Il est ici avec Chiquita, un chihuahua blanc qui porte la même cape que lui. Applaudissez-les. Et ça marche. Wow. Wow. C'était même plus drôle que je ne l'aurais cru. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis le genre de musique que j'aime. Non, je l'ai bien senti la première seconde où je suis rentré. Chiquita était la mieux, c'était la plus jolie. Ils n'ont pas gagné de prix, mais pour moi, ils étaient top tous les deux. Le succès, c'est le chien et la cape. Dernier baiser à Miami. Demain, retour au château près de New York pour offrir à sa fiancée Mina une soirée au nom de leur amour, la fête anniversaire des lapins coquins. Los Angeles. Pour Christian Audigier, dernière ligne droite. Demain ici, tout doit être prêt pour son anniversaire. Et toujours la même ambition, faire parler de sa soirée dans le monde entier. Ça, est-ce que je vais avoir tout ça là ? Je vais avoir beaucoup de lumière ? Oh putain. Tu sais que Michael Jackson, il veut un truc spécial ? Yann ! Et la même idée fixe, faire venir Michael Jackson. About the Michael Jackson scene, you know ? She talk to you ? Non, personne ne m'en a encore parlé. Une lumière spéciale, quoi exactement ? Kind of rain, rain is talking about rain. Angélique ! Cette scène, elle est trop petite ! Parce que je peux pas. Non, il faut le doubler. Je suis avec Michael, que je rate pas ma sortie. Toujours, on soigne l'entrée et la sortie. Angélique. Dans la propriété du couple Audigier, au même moment. Peut-être ça pour l'anniversaire de Christian, parce qu'elle est longue, peut-être. Mais comme elle est un peu transparente, mieux, là. Ira, la femme de Christian, se prépare. Demain soir, avec son mari, elle accueillera un millier de personnalités devant un parterre de photographes. Ouais, en fait, là, je suis en train de réfléchir encore à la robe que je vais mettre pour l'anniversaire de Christian, parce que ça ne va pas vraiment être très habillé, mais c'est « dress to impress ». Donc, c'est les gens, il faut qu'ils s'habillent pour impressionner, pour prendre l'attention. Là, comme je suis femme à Christian, il faut que je me mette un truc... Je vais te suivre, les photos et le tapis rouge. Donc il faut que je sois, tu vois, top. Autre interrogation. Quel cadeau offrir à son mari, lui qui possède déjà tout ? Tu fais une surprise ? Oui, j'ai fait une surprise, ouais. J'ai trouvé un truc, il ne faut pas que j'ai les 10 à 20. Ah non. Et surprise. Ira ! Pour ça, elle s'est adjointe discrètement les services d'Angélique, oui. L'assistante de Christian. Je te montre un petit peu. Les premières images que j'ai reçues. Ouais. Mais on va aller où, c'est ça ? Ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, je veux un présent extraordinaire. Une statue extraordinaire de Christian. Ben voilà, tu vas la voir. Son idée, offrir à son mari une statue de lui-même. Ce travail a été confié à un sculpteur français qui vit à Miami. Donc ça, je sais pas si tu vois, mais c'est le buste. Parce que c'est géant, c'est géant. Jusqu'au toit. Bah, écoute, pour te donner une idée, je pense que ce premier palmier-là, je crois que ça, c'est 15 feet. Une statue d'environ 6 mètres de haut, mais son mari va-t-il apprécier ? Il va avoir un sourire jusqu'ici. Ne va pas dire ça. Mais il va penser peut-être. Tu peux pas savoir, c'est 20. On sait jamais. À l'intérieur de la maison, changement d'ambiance et problème. Christian n'est plus certain de pouvoir faire venir les stars annoncées pour sa soirée. Hey Peter, at least try to call me back. It's Sunday today, but try to call me back. I would love to know that Michael Jackson gonna be on my birthday. I would love it. Thank you so much, call me back. Bye. Bonjour. Je suis angoissé maintenant. De ton anniversaire? De l'anniversaire. Ce matin. Juste c'est pas si vieux que ça, 50 ans. Parce qu'il n'y a rien qui va. Quand j'appelle les gens, je leur pose des questions, ils ne savent pas, ils attendent la réponse. Je ne sais même pas si Fergie s'est signé. Michael Jackson, le mec, il me dit ah, c'est très bien, merci beaucoup, rappelle-moi. Les papiers signés, tu vois. Il va y avoir des sièges éjectables, quoi. C'est vrai que tu n'as pas de papiers signés ? J'ai rien du tout. Ouais. Tu plaisantes. S'il n'y a rien, j'annule. Et je ferai mes 51 ans. Non ! Tous les gens sont prêts à venir, les gens sont apparemment, c'est une plus grosse fête que j'avais prévue. Peut-être que je ne suis pas à hauteur de la préparer. Donc, si je ne suis pas à la hauteur, je ne vais pas la faire pour dire que ça va être bien. Je préfère l'annuler. Tous les gens m'appellent, moi aussi, tu vois. Il reste 24 heures à Christian pour gagner son pari. Dernière matinée à Miami pour Yvan Wilsig. Avant de regagner son château pour sa fête, un ultime rendez-vous. Je vais chez mon ami Marc Pouliot qui possède une des plus belles maisons sur la plage. Et je vais lui piquer des idées. Parce qu'il a la réputation d'organiser les plus belles fêtes de la planète. Donc, je vais trouver des idées pour ma fête de lapin coquin pour Mina cet été. Bonjour, je suis ici pour voir Marc Pouliot. Ok, 70-71, merci. C'est Star Island. Il y a des agents de sécurité parce que ce sont les maisons les plus chères de Miami Beach. Et les gens les plus riches du monde habitent ces maisons. Alors les gens riches aiment se sentir en sécurité. Sécurité maximum, mais le portail est ouvert et personne à l'accueil. Marc, un riche homme d'affaires et un grand noctambule. Oh mon Dieu. Je pense qu'il est en train de dormir. Marc ! Oh my God. Marc ! Marc ! Shit. Oh merde. Ah, il est mort. Il est mort. Il n'y a plus personne, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ? Il a fait la fête hier soir ? Oui, je l'ai vu, lui, un autre ami, hier soir. On est allé dans des boîtes et je savais que ça arriverait. Parce que je les connais. C'est la raison pour laquelle ce sont mes meilleurs amis. Parce qu'ils savent vraiment comment pousser les limites jusqu'au bout. Et ici, aucune limite au luxe. L'ancienne villa du chanteur Enrique Iglesias est vue imprenable sur l'océan. C'est vraiment une de mes maisons préférées à Miami. C'est tellement beau, c'est la taille idéale. C'est assez grand pour faire venir plein de gens, mais c'est assez intime pour ne pas se sentir perdu. Cette maison est parfaite pour une fête. C'est incroyable. C'est dingue pour le son. On peut mettre des gros écrans de télé partout, une barre pour stripteaseuse. Et on peut ramener les meilleurs DJ, vous savez. Donc la musique est garantie. Ouais, on doit faire attention pendant les fêtes. Parce que quand tu reçois 500 personnes dans ton jardin qui sont bourrées, ils peuvent facilement tomber. Non seulement dans la piscine, mais aussi dans l'océan. Et dernier joujou du propriétaire. C'est un télescope incroyable. On peut voir ce qui se passe sur la Lune. C'est pas une blague, hein. Je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Je ne sais même pas le faire marcher. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Oh my God. J'espère que vous n'allez pas le montrer. Ce truc est définitivement cassé. On va dire que c'était cassé quand je l'ai trouvé. Ça va pas tenir. Il n'y a plus rien pour l'accrocher. Ça vaut cher ? Si c'est cher, tu parles. C'est comme un truc de la NASA. Oh my God. Ça coûte une sacrée fortune. Je sais pas combien. Ah, good as new. Regardez ça. Ni vu, ni connu, son propriétaire dort toujours. Parfait. Magnifique. Maintenant, barrons-nous d'ici en vitesse. Vite, vite. Avant qu'il ne se réveille et qu'il ne me laisse plus jamais faire de fête ici. Rappelle-moi de ne pas l'inviter à la prochaine fête, Joe. Note ça, hein. Je ne l'inviterai plus s'il m'en fait autant baver. Et maintenant, direction l'aéroport pour un vol vers New York. Retour à Manhattan, où ce soir la riche américaine Denise Rich va tenter, lors de l'inauguration de son yacht, de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Pour l'assister, Kéron, son majordome. Elle a beaucoup à faire. Ça va être la course. Ce qui me gêne le plus, c'est de demander de l'argent. C'est très difficile. Je le fais néanmoins pour collecter des fonds. Vous n'aimez pas demander aux gens ce genre de choses? C'est toujours difficile, mais c'est pour une cause qui me tient à cœur. L'argent que je collecte nous sert pour la lutte contre le cancer. Un beau jour, nous gagnerons le combat et nous ferons une fête incroyable. Mais avant la soirée, direction le plus célèbre des buildings de Manhattan. Elle va y tenir une conférence de presse. Et un objectif, faire parler du combat qu'elle mène en mémoire de sa fille. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Nous allons célébrer 10 ans de lutte contre le cancer. Cette soirée nous permettra également de renouveler notre engagement vis-à-vis de ma fille Gabriella et de continuer la recherche jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Merci à tous du fond du cœur. Juste le temps de sourire, mais pas de souffler. Car dans la baie de Manhattan, sur le yacht de Denise Rich, la fête va bientôt commencer. Denise s'est changée. C'est la première à bord. Hello! Bonjour! Bienvenue, vous êtes superbe. Merci, on doit se dépêcher car nous avons beaucoup de monde qui vient ce soir. J'espère que tout est prêt. Un yacht flambant neuf pour une soirée très chic, mais en chaussettes. À bord pour tous les invités, escarpins interdits. Quand les invités arrivent, nous leur demandons de se déchausser. Et nous leur donnons ces chaussettes. Le sol est très fragile. Chaussures interdites sur le bateau. Lui, il est dans ses petits souliers. Français, il représente un grand bijoutier. Dans ce sac, une petite fortune. Nous sommes invités par Denis ce soir pour lui présenter les diamants qu'elle va porter. Une magnifique bague de 27 carats et des boucles d'oreilles. Jaune, diamant jaune, absolument extraordinaire. Valeur totale de 1,5 million. Des bijoux portés par Denise Rich le temps d'une soirée. C'est pour le joaillier une publicité assurée. En échange, il fera un don à sa fondation. Bonjour Thierry. Bonjour. C'est merveilleux de vous voir. Comment allez-vous? Vous êtes splendide. Comment allez-vous? Magnifique. Merci. Merveilleuse. Je suis tellement contente de vous voir. Ok, je vais mettre les diamants. 115 diamants, un peu plus de 30 carats. Rien n'est trop beau pour des... Oh, wow, superbe. 115 diamants? Oui. Diamonds are just... Oh, splendide. Wow. Oh mon Dieu! Ça vaut presque $1 million. Oh, elles sont magnifiques. Et voilà les boucles. Oh, c'est tellement beau. Les femmes sont beaucoup plus jolies avec les diamants. 21h. La soirée la plus huppée de New York peut débuter. Hommes d'affaires, ladies ou stars de télévision se pressent autour des petits fours. Ce soir, uniquement du champagne, du homard, du caviar. Santé ! Et de la vodka. Et Denise fait son entrée. Regardez mes bijoux. C'est sublime. D'où ça vient ? Un grand joaillier. Ils ne sont pas magnifiques ? Oh mon Dieu ! N'est-ce pas sublime avec les boucles d'oreilles en diamant 24 carats ? Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu, et quand tu vois ce qu'ils font de... Mais c'est ce que j'essayais de te montrer, Michel ! Oh mon Dieu, et tu peux les garder après ? Allons visiter le bateau, je suis si impatiente de le voir. Regardez la table. La table, oh mon Dieu ! Elle vient d'Italie ? Je l'ai trouvée à Paris. Tu l'as eue à Paris ? Oui, à Paris. C'est du sur-mesure ? Oh, c'est tellement beau ! Denise est une femme qui aime partager sa vie, qui aime partager tout ce qu'elle a. Elle a énormément de chance de pouvoir avoir un bateau comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Et par sa fondation, elle peut offrir à ceux qui ont besoin d'aide aussi. Le bonheur, les voyages, le bateau et tout ça. Et entre-temps, elle va ramasser à peu près 3 millions de dollars minimum pour aller à la recherche de charité. Alors c'est une femme sérieuse aussi. J'espère qu'elle va m'inviter dans beaucoup de croisières comme nous l'avons fait avant. Et particulièrement, nous aimons beaucoup le jacuzzi. Et au profit de sa fondation, elle a décidé de mettre aux enchères des séjours sur son yacht. Regarde comme c'est beau. Cette idée, c'est Daniela, la fille cadette de Denise, qui l'a eue. La voici qui rejoint la soirée avec sa meilleure amie. Oh, c'est le bateau de ma mère. Il est joli. L'enjeu, en fait, est de remercier et de combler nos généreux donateurs, de faire qu'ils soient contents, qu'ils soient fiers. Comme ça, ils auront envie de donner plus d'argent. Le principe, c'est que nous avons ce bateau. Et pour la vente aux enchères, ma mère propose une semaine sur le yacht à celui qui enchérira le plus. Donc si les gens qui viennent ce soir aiment le bateau, le jour de la vente, ils enchériront beaucoup pour passer une semaine à bord. Et donc, on récoltera de nombreux dons pour la recherche et ce sera super. Salut. Quoi de neuf? Ça va? Il est près de minuit quand Daniela monte à bord. She helped me decorate the yacht. Elle a décoré avec moi tout le yacht. C'est super, je savais que tu y arriverais. Et la décoration semble parfaitement plaire aux donateurs potentiels. L'attention portée aux détails, les finitions, les tissus merveilleux et l'harmonie des couleurs. J'adore ça, vraiment, j'adore. Des invités sous le charme, la plupart d'entre eux promettent à Denise de faire des dons et d'acheter des places, parfois même des tables, au grand dîner de charité qu'elle organise chaque année. Oh, je suis tellement contente. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est donc avec soulagement que la milliardaire peut enfin inaugurer le Lady Joy au champagne. Prêt, 1, 2, 3. Mission accomplie. Et déjà la moitié des tables vendues pour son grand bal annuel de charité du mois d'octobre. Je suis très heureuse, très fière et je suis bénie. Ma fille nous a apporté le beau temps. J'ai prié Gabriella tout l'après-midi et je savais qu'il allait faire beau. Je vous l'avais dit qu'il ne pleuvrait pas ce soir. Portons un toast au Lady Joy, à Denise, la vraie Lady. Félicitations! Félicitations! Bon champagne! Et la bouteille est cassée. Ça a cassé tout de suite. Tu l'as envoyé avec force. C'est un vrai succès, tout le monde est content. Nous avons récolté beaucoup d'argent, vendu des tables. Ils vont acheter les tables pour l'Angel Ball. Nous sommes vraiment heureux. Et Gabrielle a aidé avec le temps. Ma fille, tout est bien. Paillettes, champagne et diamants, mais une image qui ne la quittera jamais et qui donne un sens à sa vie. Los Angeles. Dans quelques heures, le tout Hollywood est attendu sur le toit de cet immeuble pour l'anniversaire de Christian Audigier. Une soirée à plus d'1,5 million d'euros, une pluie de stars, alors forcément, l'homme d'affaires est nerveux. Qu'est-ce qu'il fait ? J'ai vu qu'il veut le prompteur. Regarde ce qu'il fait. Clou du spectacle. Angélique. Johnny Hallyday. Le son est pas prêt là. Mais aussi la plus célèbre des stars de la planète. En fait, la scène va être là, je vais arriver là, je vais dire à tous mes amis que j'ai une surprise qui vient de m'arriver, que la surprise elle est bien trop grosse pour que je me la porte toute seule. Je vais annoncer le King of Pop, le roi de la pop. Et là, je vais dire Michael Jackson, alors Billie Jean, mon ami Michael qui va arriver là, prenage par la main. Et là, on va enquiller le backstage, le runway. Je vais aller jusqu'à là-bas, cette scène qu'il y a là-bas. Il n'y aura pas cette boîte qu'on voit là-bas. Et je vais me mettre au milieu. Alors là, je pense que ça va être l'hystérie totale. C'est pour ça qu'on a besoin de 120 policiers qui vont pousser des gens. Et tout le monde va s'en rappeler toute leur vie. Même Johnny Hallyday va s'en rappeler toute sa vie. Et même vous ? Ah ben moi, ça va être gravé dans ma vie, ça. Pour toujours. Un service de sécurité exceptionnel pour Michael Jackson, même si la star n'a toujours pas confirmé sa présence. Chacune de ses apparitions publiques est un événement. À mon signal, vous vous positionnerez autour de la scène et vous empêcherez quiconque d'approcher les stars. Johnny Hallyday a tenu sa promesse. C'est l'heure des répétitions. Et privilège rare, Alain Lavignonnet va pouvoir y assister. Tout ça est dégagé avec 20 policemen autour. Je vais essayer. C'est le moment, non ? Et c'est le moment ou jamais. Difficile à croire. Johnny Hallyday en chair et en os, et à quelques mètres, sans garde du corps. Eh oui, c'est quand même une star, c'est dingue, hein. Puis tu vois là comment ça se passe là. C'est cool, hein. Il est simple, bien, il arrive, et puis quand même après, c'est Johnny. Tu te rends compte? De suite en arrivant la baluche, quand même. Allez. Johnny remplit des stades, mais ce soir pour son ami, il ne chantera que devant 1000 personnes. Ça peu importe où on est, peu importe devant qui on joue. On joue toujours devant des gens, donc l'adrénaline est toujours la même. Hein. On essaie toujours de donner le maximum de ce qu'on peut donner. En tout cas, d'essayer en tout cas de donner du plaisir aux gens et puis par la même occasion de se faire plaisir à soi-même. Si on ne fait pas plaisir à soi-même, on ne fait pas plaisir aux gens. Pour moi, le rock'n'roll, c'est comme ça. On va parler tellement, je sais pas, c'est énorme. Toutes les répétitions comme ça pour nous, là, c'est... Rappellera toute sa vie, là. C'est net, clean, very clean. Là maintenant ça sort bien. Hein. Oh. Ah maintenant ça va être vraiment très fort ce soir. Au même moment, une livraison un peu particulière. Nous sommes dans les sous-sols de l'immeuble. La femme de Christian, Mickaël. Ira, la femme de Christian, se fait livrer le cadeau qu'elle va offrir à son mari. Le camion arrive de Miami. Hey, elle est trop contente. Ça va ? Oui, très bien. Chanté, alors. Et on a conduit jour et nuit sans s'arrêter à travers les marécages de la Nouvelle-Orléans, les déserts du Texas, l'Arizona, les tempêtes de sable et on est finalement arrivé ici. On peut parce qu'Ira, je te dis pas, elle se languit de voir la statue. La tête. La tête. Elle veut voir la tête. Oh, oh my God. Oh là là, le truc de fou. Une statue monumentale de Christian Audigier. Et pour Ira, une appréhension, la tête est-elle ressemblante? Oh, le truc. La tête. Découverte et première impression. Réussi. Alors, attends, laisse-moi un gars de bien. Raté. Elle hésite encore. Tu as peur? J'ai peur. Il est en bon pas, je trouve, hein, les gars. Ça fait statuaire grec, antique, et je pense que des colosses comme ça, il y en a. Il fait la taille du David de Michel-Ange. Voilà. Non, là, je suis excitée, là, j'ai envie de voir sous les trucs, tu vois l'effet que ça fait et tout. Et je me languis aussi de voir sa tête, je connais pas ça. C'est immense, c'est une pièce unique, il n'y a rien non, pareil. Je sais, j'adore, mais j'ai pas parce que tu sais, avec lui, on ne sait jamais, tu vois. Moi, je pense qu'il va être hyper content. En attendant, à l'étage au-dessus, une autre surprise pour Christian Audigier. La réplique exacte de la voiture de Steve McQueen, modèle années 70. La dernière folie de Christian. Ouais, parce qu'en fait, je vais vous dire, ils voulaient tous m'acheter un cadeau qui me plaisait pas. Sauf j'ai voulu être sûr d'avoir celui que je voulais. Pour l'homme d'affaires, l'heure de rentrer se changeait. Et pour sa femme, de faire trôner sa surprise au centre de la salle. Un colosse à la hauteur de la soirée qui se prépare. Dans son château près de New York, Mina a retrouvé son fiancé, Ivan Wilzig. Il est rentré de Miami. Et ce soir, pour son 30e anniversaire, il organise la fameuse fête au nom de leur amour, la soirée Lapin Coquin. 200 invités et un dress code. En lingerie! Vous devez venir habillé en lingerie ou en pyjama? Comment ça, tu peux pas porter ça? Tu peux bien aller en ville acheter un pyjama? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Tout le monde doit suivre le thème, ou la sécurité ne les laissera pas entrer. Ok ? Merci. Certains invités ont peur de venir habillés comme ça ? Il y a plein de timides, de coincés. Ils sont très conservateurs par ici. Tu mets n'importe quel costume, ils sont du genre... Oh, qu'est-ce qu'ils font dans ce château ? Ils sont bizarres. Alors pourquoi ils veulent venir s'ils ne veulent pas se déguiser ? Je ne leur laisse aucun choix, car je veux marquer les esprits. Je veux créer une ambiance mémorable. C'est ça une fête réussie. Dans quelques heures, des centaines d'invités. Mais problème. Plus une seule goutte d'eau dans la propriété. Il faut forer pour retrouver les canalisations. Regarde ce qui se passe ici. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils détruisent ma maison, qu'est-ce que tu crois ? Regardez, c'est elle la reine de la fête. Joyeux anniversaire. Ah bah ouais, c'est mon anniversaire. Ce sont tes super-héros. Ces deux mecs sont en train de sauver ta fête. Je suis le type de l'eau, ça avance bien. Tout sera réparé ? Ouais, on espère. On espère ? Alors là, je me sens nerveuse maintenant. Mais ouais, elle ne peut pas bien se préparer, se coiffer, se maquiller, se raser les jambes. Même si elle n'a aucun poil sur les jambes. Qu'à cela ne tienne, plus de temps à perdre pour transformer la propriété en paradis pour lapins. Livreur, ouvrier, pour sa dulcinée, Yvan Wilsig a bien fait les choses. Au menu, champagne, petit four et l'indispensable pour une soirée lapin, les carottes. Et voici le principal. Des lapins en pluche fabriqués spécialement pour l'occasion. Ils ont été acheminés par camion depuis la Californie à 5000 km de là. 500 $ pièce. C'est complètement fou. Je ne suis jamais allé dans une soirée comme ça. Pas comme ça. Les lapins doivent être habillés. Oui, oui, on va le faire. De quoi rendre les lapins un peu plus coquins. Lapin, où sont mes lapins? Où sont mes lapins? La nuit dernière, il y en avait deux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? J'ai acheté deux lapins et maintenant il y en a 2000. Mais deux lapins ont copulé toute la nuit. Regardez-moi ça, c'est fantastique. Oh mon Dieu, il est énorme. Vous pouvez imaginer ce que les gens vont faire à ces lapins tout à l'heure. Tout est parfait comme ça doit être. Maintenant, l'eau est revenue, plus rien ne peut nous arrêter. Et des lapins, il y en aura partout dans la propriété. Une véritable invasion de peluches. C'est un travail artistique, une œuvre d'amour. Ce n'est pas une fête, c'est un événement, et un grand. Quand j'organise une fête, c'est toujours top niveau. Alors même dans le journal local, les articles disent de moi, ce type est un peu déconnecté. Peut-être il a pris un peu trop d'ecstasy. On ne peut pas s'empêcher de l'aimer. Il fait les plus belles fêtes de la côte Est. Et ça, ça vient du journal le plus conservateur du coin. Merci. Oh mon Dieu, regarde ce qu'ils ont fait. Première surprise pour Mina. C'est le truc le plus coquin que j'ai jamais vu. He understands us. This is great. Pour animer la soirée, l'un des meilleurs DJ de New York. Ce soir, Yvan veut de l'ambiance. Côté gâteau d'anniversaire, 5000 guimauves à faire fondre pour 2 mètres de friandises. Les ouvriers et quelques amis se sont mis en maillot de bain. Ils mettent la dernière touche à la déco imaginée par Yvan. Mina n'a aucune idée de cette surprise. Il y en a plus de 500. Tu es prête? Est-ce que tu es prête? Bien, allons nous préparer. Reste à se métamorphoser avant l'arrivée des invités. C'est l'heure du grand changement de costume. De gens ordinaires, on va devenir des lapins complètement fous. On peut venir? Non, personne ne peut venir. Vous verrez ça ce soir. Et leur tenue promet d'être spectaculaire. Los Angeles. À quelques heures de l'anniversaire de Christian Audigier, une bonne nouvelle. A priori, Michael Jackson a confirmé sa venue. Allô? Non, il veut commencer Billie Jean, il exige Billie Jean, et ensuite il veut Thriller, tu vois, on va pas lui casser son truc, il va pas devenir. Autre condition, la discrétion. Alors Christian improvise. Il y a cette histoire de François Valéry, là, tu as compris? On va l'appeler François Valéry maintenant. Ok, il lui faut un micro à François Valéry au bout de la scène. Oh, tu as compris que personne ne doit savoir que François Valéry est là ce soir. Autant de précautions pour faire venir la star du pop. Et ce n'est pas tout. Et pourquoi est-ce qu'il faut un nom de code pour Michael Jackson? Parce qu'il y a tout un service de sécurité qui est là, il y a le FBI qui est là, il y a les gens qui checkent l'endroit avant d'arriver. C'est High Security. Michael Jackson, alors c'est très marrant, je sais même pas si je peux vous le dire, mais il a réquisitionné un camion de fleurs en fait. Il va arriver dans un camion de fleurs, c'est-à-dire il va faire deux voyages, il va arriver de l'aéroport privé. Et dans le building, il y a une porte, la porte va s'ouvrir et des agents de sécurité vont l'attendre. Les portes vont se refermer pour éviter les paparazzi et tout ça. Partir dans 10 minutes. Je serai prêt. Au même moment, les festivités commencent. Le tout Hollywood s'est déplacé pour l'anniversaire du Frenchie, la nouvelle coqueluche de la mode. Comme au Festival de Cannes, Starlette, Flash et Tapis Rouge. Extraordinaire comme d'habitude. Garde le point. Et à Hollywood, il faut surprendre. Incroyable, on dirait qu'on est au pays des merveilles. On va s'éclater. On t'aime, bébé. Ain't nothing like the real thing. Première célébrité, l'acteur Mickey Rourke. Flew in because of Christian, yeah. Good man. L'ancienne génération, mais aussi la nouvelle. La chanteuse Fergie. Yes, it's a big birthday. I'm so excited for him. This is beautiful. Ça va? Très bien. Nickel. Est-ce que ça vous fait, vous pensez que ça va être comment cette fête? Oh, excellent. Ça commence très bien. Voilà. Oh, la déco, c'est super, c'est super. Et celui que tout le monde attend, avec sa femme Ira, en robe haute couture. Ce soir, pour rejoindre ses invités, il s'offre le grand jeu. Une escorte officielle, comme pour les hautes personnalités. On lui ouvre la voie et on bloque même la circulation. Photographe, journaliste, une arrivée de star. Le dernier a foulé le tapis rouge. Et c'est en famille qu'il prend la pose, avec femme et enfant, à l'américaine. It actually made me nervous. That's too much money. C'est magnifique, hein? À l'accueil, une surprise. Britney Spears en personne. Britney Spears is here, guys. Elle est venue. C'est important pour vous d'être à l'anniversaire de Christian? Is it important to be to create yes, a photo for you? Of course, definitely. Qu'est-ce que vous aimez chez lui? Oh, he's amazing. Okay, we're going to use the restroom okay. Now. Bah ouais, on a toujours toutes les stars. Voilà, c'est une surprise. Ça, c'est une surprise, mais il y en a plein. Et ça, c'est mon pote de dernière minute, Chanton. Jean-Luc, ambulancier, un vieil ami d'Avignon. Jean-Luc est là. Un invité personnel de Christian. C'est exceptionnel, je crois. On m'a dit, tu verras vieux. Je suis venu et je vois. Maintenant, je rentre en enfer. Musique grandiose. Mise en scène spectaculaire. Un vrai show. À l'américaine. Et au milieu de ce décor, le fameux cadeau de sa femme, la statue à son effigie. Oh my God, ça c'est mon cadeau pour toi. pas en fait. Je la vois pas bien, mais dans mon jardin, ça va être très bien ça. Bonsoir, je m'appelle Christian Audigier et je vous remercie d'être là ce soir avec moi et Messi Gray. Messi Gray, une vedette de la chanson américaine et des paroles spécialement écrites pour lui. Qu'est-ce que t'es jolie! Parlez-vous français? Parler français à Hollywood, c'est son luxe. Au paradis, tous avec moi, on ira tous au paradis. Christian Audigier! Merci d'être là ce soir à tous, merci, je vous aime. Elle vous aime aussi. C'est démesuré, c'est à l'américaine, voilà. La mégalomanie. Ça réussit. Ah oui, bien sûr. Bon, c'est quelqu'un qui manque. En fait, il a tout, mais il faut relier ce qu'on l'aime. Il donne pour qu'on lui donne aussi de l'amour. De l'amour, des jeunes femmes dénudées, les danseuses du rappeur Snoop Dogg. Ce soir, côté érotisme, il y a aussi la comédienne américaine Pamela Anderson, toujours très sexy. Microphone. I go with you. Qu'est-ce que vous aimez chez Christian? They all love me. It's a Western movie. And this is the woman of the hour, Pamela Anderson. La soirée idéale pour épier les stars et les approcher de près. Jean-Luc, l'ambulancier d'Avignon, en profite. Sa cible, Britney Spears. Alors, j'ai décidé de prendre moi Pamela. Ce n'est pas Pamela, mais qu'importe. Là, c'est plus qu'un rêve. C'est pas c'est le rêve et la réalité. Alors là, je pense que je l'ai bien prise. Nous allons voir après. Et maintenant, un grand moment. Le cadeau de Johnny à son ami Christian. Quand Johnny est là, Laetitia n'est jamais très loin. Et la voix de Johnny Hallyday résonne dans tout Los Angeles. Un cadeau exceptionnel à l'heure où la star a déjà annoncé sa tournée d'adieu. Toi la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Les larmes de honte que tu as versées, oui, il faut les Merci d'être venu. C'est exceptionnel. C'est magnifique. C'est génial. C'est génial. Exactement. Et ça, je crois que c'est le summum. Merci, Jean-Michel. Bientôt l'anniversaire de Johnny, ce sera à Christian de surprendre la star. Mais pour l'instant, en coulisses, on s'agite. La nouvelle vient de tomber. Nous, dans le Michael Jackson coming now. Five minutes. Cole, comment il s'appelle, Adrien ? Michael Jackson vient d'arriver. Ça y est, il m'attend en haut, je vais y aller maintenant. Et je vais vous l'amener sur la scène, donc soyez prêts là-bas, je vous le dis, hein. Comment vous vous sentez d'y aller comme ça? Mettez le son, hein. Michael Jackson en personne, et encore plus rare, ce soir il va parler. Près de New York, le château d'Ivan Wilsig, curieuse atmosphère. La soirée Lapin Coquin commence. Thank you. Les Happy Few arrivent de tous les États-Unis et ils ont joué le jeu. Pas question pour la haute société américaine de rater l'événement le plus déjanté de l'été. Thank you. Golden Boy en culotte courte, avocat aux allures de Bugs Bunny et banquière en dessous sexy, ce soir pour ces beautiful people, tout est permis. I think it's gonna be pretty naughty. Je crois que ça va être assez coquin. Santé aux puritains, nous, on va s'éclater. Ces fêtes sont toujours complètement folles. C'est fabuleux, j'adore. Je n'ai pas encore eu le temps de voir tous ces lapins. J'adore les gros trucs. Ça m'excite. Et vous, vous aimez ce qui est gros? Tout le monde est là, les 200 invités prévus. C'est le moment pour Ivan et sa belle de faire leur entrée. Go, go, go already! J'y suis presque. Wait for me. Attends-moi. Des costumes entièrement imaginés par Ivan. Attention aux ailes. T'es prête? Oui. Ivan, en quoi vous êtes déguisé? Je suis le lapin volant qui vient de l'enfer. Vous n'avez pas intérêt à être avec moi dans mon donjon. Et elle, elle est le lapin ange venu du paradis. Elle est le bien, et moi, je suis le très méchant. Direction la salle de réception. Salut! Costume spectaculaire et effet garanti. À l'étage en dessous, l'accueil est à la hauteur des espérances. Dites bonjour à la reine de la fête! Ils sont putain de tarés. Et ce soir, c'est sûr, Ivan en a bel et bien fini avec sa vie de banquier. Avec Mina, il s'autorise toutes les fantaisies. Pas toujours du meilleur goût, mais tous sont là pour s'amuser. Sourire et embrassade, pour Mina, que du bonheur. Ah, j'adore. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai pas vues. Il y a les lapins à l'intérieur, il y a les ballons dehors. Ouais, j'ai vraiment été hyper surprise. Mais ce soir, quelques invités n'ont pas osé la tenue lapin coquin. Où sont ses oreilles? Adam, il n'a pas d'oreilles, je vais le virer. Personne ne lui a donné d'oreilles. Je n'en ai pas, donne-moi. Des oreilles. Qui n'a pas ses oreilles? Rends-moi service, il y a des gens qui se baladent sans avoir d'oreilles, chope-les, donne-leur des oreilles. Pour sa fiancée, il veut que tout soit parfait. À chaque fois, j'améliore le niveau des fêtes. Mina est super, donc je dois être à sa hauteur. Il n'y a pas de limite à ton imagination ou à ta créativité. Chaud devant! Lapin bouillant, faites attention! Et ce soir, sorti de son imagination, le gâteau d'anniversaire de Mina. Aussi démesuré, sucré et coloré que la vie qu'il mène. Happy birthday, dear Mina. Happy birthday. cake. Joyeux anniversaire, mon bébé. Êtes-vous une femme heureuse ce soir? Ouais, ouais. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Être heureux. Ce soir, c'est la consigne pour tous. Défense d'afficher le moindre état d'âme. En route maintenant pour une fête jusqu'à pas d'heure, avec la certitude que la soirée restera dans les annales. La musique est super. Il y a des femmes sublimes à moitié nues partout. Allez, vas-y! Je suis un homme heureux, car j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie grâce à mon père. Et je dois dire que les filles ont été super avec moi depuis l'âge de mes 5 ans. C'est quelque chose que je m'explique pas. Ça n'a été que du bonheur depuis mes 5 ans. Et ça, ça le restera jusqu'à ma mort. Enfin heureux dans son nouvel univers. Et le meilleur placement qu'ait trouvé l'ancien banquier, vivre cash. À Los Angeles, l'anniversaire de Christian Audigier. Ambiance électrique, Michael Jackson en personne vient d'arriver. Christian s'apprête à le rejoindre dans sa loge. Donne-moi le top départ, tout de suite. Ok, go. Il se passe que Christian, il doit aller voir Michael Jackson. C'est pour ça que c'est un petit peu... C'est un peu tendu, là. Ouais, c'est beaucoup tendu. Donc, t'aurais rendez-vous avec Michael Jackson, tu serais comment, toi? Moi, honnêtement, je serais très tendu. Et pas question d'y aller tout seul. C'est le service de sécurité de la pop star. Nous allons voir Michael Jackson au quatrième étage. C'est vraiment privé, ok? Au tour de Laetitia et de Johnny de rejoindre Michael Jackson. Eux aussi sont accompagnés. Dans la salle, pendant que la chanteuse Fergie fait son show, personne ne se doute de rien. Il arrive, Michael Jackson. Ouais, il arrive, Michael Jackson. Laetitia l'a vu, viens voir. Laetitia, tu as vu Michael ou pas? Est-ce que vous êtes prêts ou pas? C'était une rencontre fabuleuse. Alors, comment est-ce qu'il est? C'est son idole, moi, quand j'avais 14, 15 ans. Elle a même invité à manger à la maison, alors il adore la cuisine française. Et maintenant, j'attends... On m'a parlé de Michael, hein? Michael... Jackson, hein? En coulisses, on prépare l'entrée en scène de Michael Jackson. Sécurité maximum. Thriller, c'est ça? Et Thriller, when we are over there, Thriller. Il est juste là. So we go? She go? No? I have a big surprise for you. A surprise you cannot even believe. I want to introduce to you the king of pop. He's here now. We'll be right back. say it's wonderful to be here for Christian, his family, and all you beautiful people. And to celebrate his 50th birthday. God bless you, man. And in my opinion, not only are you a wonderful artist, you're a wonderful human being. And the king of fashion. Yeah! The king of pop! I love you. Happy birthday. Pour ces 5 minutes sur scène, Christian aura déboursé un cachet de plusieurs centaines de milliers de dollars. Le prix du rêve et un sacré coup de pub. Fabuleux à toute ma famille, à tous mes amis. Je voulais que tout le monde ait un petit peu de ça. C'est ce que j'ai dans mon cœur, dans mon corps. Et ça, c'est à la grâce de Dieu. Et tout ce que je viens de faire là, je veux le dédier à ma maman, qui n'est plus là, qui aura adoré voir ce jour, mais je suis sûr qu'il m'aura de là-haut. Donc, maman, je t'aime et à bientôt. Une soirée inoubliable. Et pour le petit gars d'Avignon, une consécration. Ce soir, celui qui rêvait d'Amérique a touché du doigt les étoiles.